Bien, je vous invite à vous unir à ma prière et chacun peut dire au plus profond de son cœur et entendre à nouveau cette parole de l'apôtre Paul aux Romains. Seigneur, nous ne savons pas prier comme il faut, mais ton Esprit, l'Esprit Saint, vient au secours de notre faiblesse. Seigneur, ce soir, que ton Esprit vienne nous visiter au plus profond de notre cœur, au plus profond de notre être. Car par l'Esprit Saint, Jésus nous l'a promis, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui faire notre demeure. Par l'Esprit Saint. Donc ce soir, Seigneur, viens réveiller en nous cette certitude que tu es présent au plus profond de notre cœur et de notre être. Que nous sommes tous les uns et les autres des temples, des demeures de l'Esprit. Et même s'il nous arrive de ne pas persévérer dans la prière ou de ressentir la fatigue, eh bien, tu viens au secours de notre faiblesse. Même si nous avons eu l'impression de ne pas être fidèles, d'avoir manqué d'amour ou de courage dans la journée, eh bien, si nous nous remettons vers toi, nous nous tournons vers toi, Seigneur, tu nous donnes ton esprit. Et tu nous redonnes la joie de prier, la joie de nous tourner vers toi. Seigneur, quand il nous arrive de déserter, de ne pas avoir le courage de dire que nous sommes chrétiens, donne-nous la force de nous exposer comme chrétiens. Donne-nous la force de vivre en disciples du Christ. Seigneur, il est difficile de persévérer dans l'amour fraternel, de se pardonner. Et Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nos communautés fraternelles puissent témoigner que tu es vivant, puisque tu nous as dit, Jésus, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Seigneur, que par ton esprit, comme le demande le pape François, nous ne soyons jamais indifférents aux souffrances de nos frères, aux souffrances des malades, aux souffrances des personnes isolées, seules, à l'abandon que ressentent les personnes âgées, au mépris que ressentent parfois les personnes handicapées. Donne-nous d'être attentifs à ces plus petits, à aller les visiter. Et nous avons déjà fait l'expérience qu'en allant les visiter, les rencontrer, c'est nous qui repartons transformés. C'est nous qui faisons l'expérience de ta présence en nous. Sois béni, Seigneur, parce que tu ne cesses d'agir par ton esprit dans nos vies et dans nos cœurs. Tu es vraiment Esprit Saint, l'Esprit de lumière, de paix, de force. Viens nous unir, nous unifier dans toute notre vie, pour que nous puissions porter, comme le dit l'apôtre Paul, le fruit de l'Esprit, qui est amour, paix, patience, douceur et maîtrise de soi. Viens en nos cœurs, Esprit Saint. Amen. Merci Père Sentier pour ce bon moment. Donc merci Père Sentier, je le dis en même temps. Nous restons dans un état de dans une disposition de prière avec le piano de Marie-Liesse derrière, avec la prière du Père Sentier. Alors bien sûr, dans certains lieux, comme à Caen, avec Notre-Dame Mère des Lumières. Vous allez prolonger ce temps de prière, peut-être, je ne sais pas comment vous allez le faire, vous nous l'expliquerez un jour. Et ici, au Sable d'Olonne aussi, nous allons continuer le temps de prière qui a été commencé. Voilà, je vous dis rendez-vous au mois prochain. Alors, bien sûr, ici, vous allez pouvoir vivre en direct le temps de prière, un prolongement de ce temps de prière, avec la musique, peut-être un prolongement de démarche. Et puis, nous nous retrouvons le mois prochain. Il y aura toujours des bandeaux. Donc, demeurons en cette présence de Dieu. Merci encore, Père Sentier. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu Esprit de Dieu, colle royaume d'eau, qu'il allait la chaille, cobla sous la Rendons grâce pour ton œuvre dans les cœurs ce soir. Seigneur Esprit Saint, merci pour ta visite. Merci parce que tu es celui qui fait toutes choses nouvelles. Merci parce que tu es celui qui vient donner vie. Tu es celui qui vient mettre en route. Tu es celui qui fait avancer au large. Oui, Seigneur Esprit Saint, ne cesse pas ton œuvre. Nous te bénissons, Esprit Saint, parce que tu nous donnes le goût de Dieu et tu nous donnes le goût de la prière pour le rencontrer. Nous te bénissons de pouvoir nous donner encore à toi en ce soir, en ces vigiles de carême. Nous savons que nous allons commencer avec toi ce temps d'intimité avec le Seigneur et nous t'en bénissons. Oui, nous te bénissons, Seigneur Esprit Saint. Tu viens rejoindre dans les profondeurs de nos cœurs. Tu viens vraiment visiter les profondeurs de nos cœurs pour que nous puissions vivre des dons de ton Esprit Saint. Merci, Esprit Saint, parce que tout vient de toi et tout retourne à toi. Merci, Esprit Saint. Nous voulons vraiment vous présenter chacun et chacune, vraiment prier pour chacun d'entre vous, tous ceux qui nous écrivent sur le chat en cet instant. Nous confions vraiment vos vies au Seigneur. Que l'Esprit Saint vienne vraiment vous visiter en cet instant. Que l'Esprit Saint vous inonde, devienne vraiment l'intime de vos âmes, l'intime au plus profond de vous-même. Que durant ce temps de carême, vous puissiez vraiment marcher avec lui, comme Jésus. Le Père nous a donné Jésus pour que nous nous mettions à l'école de son Fils. Et se mettre à l'école de son Fils, Jésus, c'est marcher avec l'Esprit Saint. Soyez bénis. Marchez avec le Saint-Esprit durant ce temps de carême. Et nous vous gardons vraiment dans la prière. Que le Seigneur continue vraiment son œuvre de guérison, de libération. Que le Seigneur vous fortifie vraiment durant ce temps. Que l'Esprit Saint vraiment vous guide, vous inspire. Parlez-lui. Demandez-lui conseil. Et puis n'hésitez pas à témoigner de lui. Témoignez de sa parole. Nourrissez-vous de la parole de Dieu, de l'Eucharistie. Prenez des temps de prière. Prenez des temps de silence. Même si vous n'êtes pas proche d'une église. Mais vous pouvez prier là où vous êtes. Et vivre une rencontre avec l'Esprit de Dieu. Soyez les temples du Saint-Esprit. Nous vous gardons dans la prière. Et nous vous disons pour le mois prochain. Pour le prochain Fire Globe. Soyez bénis.